Chapitre 2. La guêpe n'était pas un sot. Ils savaient qu'on ne plaît pas au père de même qu'à leur fille, et que de bons écus et de belles terres avaient plus de prix aux yeux de Meurdrac que les qualités du cœur et les agréments de la figure. Il s'y prit donc en homme habile, et dit au bonhomme qu'il lui venait demander un conseil. Il parla ensuite de ses biens, en donna le détail, et cela se montait assez haut. Puis il dit qu'il voulait se marier. « Eh bien, répondit le père, ce n'est pas à moi qu'il faut expliquer quelle est votre fortune, mais aux parents de votre belle. C'est que vous êtes précisément le père de celle que j'aime, reprit le cavalier. Et vous pensez qu'avec tant d'argent, on ne saurait être refusé? Vous vous trompez, monsieur. Votre demande m'honore et me flatte. Je vous en ai la reconnaissance que je dois. Ma fille ne mérite pas les hommages d'un gentilhomme comme vous, mais vous arrivez trop tard. J'ai donné ma parole à un autre il y a 8 jours et je ne puis m'en dédire. « Monsieur, reprit la guette, considérez, je vous prie, que j'aime mademoiselle votre fille depuis 3 mois. Je suis donc le plus ancien en date. Oui, auprès d'elle, mais non pas avec moi, et je passe le premier. Vous n'aurez pas, monsieur, la cruauté de m'ôter l'espérance. J'en suis fâché, monsieur. Pour n'avoir pas cette cruauté, il faudrait être malhonnête envers un autre, et je ne veux point de cela. Une parole de 8 jours n'est pas d'un grand poids. Elle vaut une parole de 10 ans quand c'est moi qui la donne. Je croirais plutôt que l'autre prétendant a plus d'argent que moi, et que si j'étais à sa place et lui à la mienne, vous me manqueriez 2 fois sans scrupule. Ce que vous croyez est impertinent, mais je ne m'en soucie guère. Et moi, je ne me soucierais point de vous si vous n'étiez le père d'une charmante personne. Cette personne-là ne sera point pour vous. C'est ce qu'on verra, mon Dieu. Je vous dégagerai bien de votre parole malgré vous. Tarare, je vous en défie. Mordieu, je crèverai le ventre à votre gendre. C'est moi qui vous le crèverai à vous-même, mordieu. En parlant ainsi, le père donna un grand coup de poing sur la table. Le cavalier y répondit en renversant une chaise d'un coup de pied. Ils se mirent alors à crier comme des aigles, tous deux à la fois. Meurdrac disait qu'il jetterait son homme par la fenêtre et l'autre qu'il mettrait la maison à feu et à sang, si bien que la demande en mariage eut fini par une bataille, sans mademoiselle Jacqueline, qui accourut avec sa mère pour mettre le holà. Voilà donc, dit-elle avec colère, que vous tenez votre promesse d'être calme. Sortez d'ici, monsieur, et n'achevez pas de perdre nos affaires. Mais la guette ne se connaissait plus et jura qu'il ne sortirait pas sans avoir assommé quelqu'un. De son côté, le père, comprenant que sa fille était d'accord avec le cavalier, eut un redoublement de fureur. Il menaça Jacqueline de la battre s'il disait un mot de plus à ce jeune fou. La pucelle, qui était aussi une Meurdrac, se fâcha, en s'écriant qu'on ne battait que des servantes, et que si on levait la main sur une fille de sa qualité, elle partirait du logis pour n'y jamais rentrer. Le père, ivre de rage, courut à son bâton. La guette tira sa rapière, et Jacqueline prit un grand pistolet qui pendait au mur. Cependant, ils demeurèrent tous trois un peu interdits de se voir ainsi le poing armé. Madame de Meurdrac sauta au collet de son mari, tandis que sa fille poussait la guette par les épaules et l'entraînait au dehors. Jacqueline sermonna son amant et l'assura qu'elle ne serait point à lui qu'il n'eût corrigé l'emportement de son caractère. Mais au fond, c'était pour cela qu'elle l'aimait. Il s'apaisa et fit serment d'être plus sage à l'avenir. Puis il retourna chez lui en déchirant de l'éperon les flancs de son cheval et gesticulant comme un démoniaque tout le long du chemin. Madame de Meurdrac avait fini par remettre aussi le bonhomme dans son sang-froid. Jacqueline promit qu'elle ne reverrait plus la guette sans le consentement de son père. On soupa de bonne intelligence le soir, et la tempête fut dissipée, mais les intérêts du jeune cavalier semblaient ruinés pour toujours. Le dimanche suivant, la guette rencontra le vieux Meurdrac à la porte de l'église. Il lui adressa un salut et mit le genou en terre devant lui en présentant le manche d'un poignard. « Tuez-moi, monsieur, si vous ne voulez pas me pardonner mes fautes. La mort me fera une peine moins cruelle que votre colère et la perte de mes espérances. « Levez le genou, monsieur, » répondit le père un peu radouci. « Je ne veux ni vous tuer ni vous donner ma fille. Je vous pardonne votre faute, pourvu que vous ne songez plus à vos espérances. » Et se tournant vers Jacqueline, il ajouta « Regardez ce jeune cavalier qui est de la bonne volonté pour vous. C'est la dernière fois que vous le voyez de si près, car je vous défends de l'aimer. » La guette se releva et mordit un moment ses moustaches, tandis que sa belle lui adressait de loin un regard languissant. Puis il enfonça son chapeau sur ses oreilles, en s'écriant qu'il fallait donc accepter la guerre, puisqu'on ne voulait pas de ses soumissions. La campagne de Flandre n'était alors qu'à moitié. L'armée sortit de ses quartiers d'hiver, et notre gentilhomme y fut rappelé. Une tierce personne, amie de Jacqueline, se chargea de recevoir les lettres de nos amants. On suspendit toutes les démarches à faire jusqu'au retour de la guette, et la pucelle de Grosbois reprit fort à contre-cœur le rôle naturel des filles contrariées qui est d'attendre et de soupirer. Il n'y avait pas 8 jours que le jeune homme avait quitté le pays, lorsque Murdrac reçut un billet de l'abbesse de Jersey, dont le couvent était à Bricontrobert. Le père fit réponse verbalement qu'il irait le lendemain voir Madame la supérieure avec sa famille. Jacqueline, n'ayant pas de frère, ne s'imagina pas qu'on voulût la mettre en religion. Cependant, ce couvent et cet air mystérieux lui donnèrent du souci. Elle demanda au bonhomme ce qu'il voulait faire chez l'abbesse. Murdrac répondit que c'était une cérémonie de prise de voile à laquelle il devait assister. Le lendemain, on monta en carrosse de grand matin et on s'en alla au couvent. Jacqueline, toujours sur le qui-vive, prit la tourière à part et s'informa de la cérémonie. La tourière, ne sachant ce qu'elle voulait dire, battit la campagne et se troubla. Tout cela semblait tourner au sombre, lorsque la supérieure fit entrer ses hôtes au parloir, où l'on trouva de la compagnie des environs et une collation servie. Les yeux de la jeune fille avisèrent tout de suite 3 cavaliers bien faits et de bonne mine qui causaient dans un coin et qui saluèrent à son entrée. Murdrac marcha droit à l'un d'eux, lui prit les mains et le caressa de telle sorte que Jacqueline flaira aussitôt le complot. C'était un mari qu'on lui destinait. En effet, on se mit à table et le gentilhomme prit place à côté d'elle sur un signe du père dont elle s'aperçut. La surprise lui eût été pénible dans un autre instant, mais comme Jacqueline avait craint le couvent, qui est un parti plus fâcheux aux jeunes filles que le pire des maris, elle ne fit pas trop la cruelle pendant le repas. Elle daigna sourire des bons mots du jeune cavalier et le remercia de la peine qu'il se donnait à lui servir le meilleur de chaque morceau. Quand on eut mangé, on alla dans les jardins. Murdrac emmena sa fille un peu à l'écart pour lui dire tout bas « Ce gentilhomme qui vous a parlé se nomme le chevalier de Voisenon. Il est de mes amis et il a du bien. Traitez-le comme il faut. Il sera votre mari. Faites selon mon plaisir, je vous prie. » On se rapprocha aussitôt et M. de Voisenon poursuivit ses galanteries pendant la promenade. La nuit étant venue et les carrosses étant prêts, Jacqueline saisit l'instant où son père s'occupait des chevaux pour adresser au prétendant cette allocution un peu brusque. « Est-il vrai, monsieur, que vous soyez mon serviteur et que vous attachiez un grand prix à mon estime ?»« Assurément, mademoiselle, » répondit Voisenon. « Désirez-vous savoir, monsieur, le seul moyen de m'être agréable qui soit en votre pouvoir ?»« Sans doute, mademoiselle. Je brûle de le connaître, afin de gagner plus vite votre amitié. » « Eh bien, monsieur, le moyen est de ne pas songer à moi, de ne point prétendre à me plaire, car j'en aime un autre que vous. Je serai un monsieur de la guette, où je ne me marierai jamais. Si vous êtes galant homme, vous ne rechercherez plus un cœur qui s'est donné. Vous pouvez me rendre malheureuse en usant du crédit que vous avez sur mon père, mais vous ne réussirez ainsi qu'à vous attirer ma haine, tandis que si vous êtes généreux, vous aurez mon estime et ma reconnaissance. » « Je vous remercie de cette franchise, mademoiselle. Je ne suis pas homme à vous épouser malgré vous, car je veux être aimé de celle qui sera ma femme. Et pour vous montrer que je mérite votre amitié, je cesse de prétendre à votre main, quoique je vous trouve aimable et belle. Je ne dirai rien à votre père de cet entretien et vous offre mes services de tout mon cœur. » Il était convenu que M. de Voisenon viendrait le lendemain à Mendres. Il envoyait le matin un express pour dire qu'on ne l'attendit pas, et comme le père s'en formalisa, la rupture s'en suivit naturellement sans autre explication. La guette était alors au siège de La Motte en Lorraine. Une lettre de sa maîtresse le mit au courant de cette affaire. Malgré les assurances qu'on lui donnait de sa fidélité, il fut tout remué des entreprises qui se faisaient contre son bien, et résolu de parer au danger de l'absence. Il obtint du maréchal de la Force un congé d'un mois et revint chez lui à la hâte. M. d'Angoulême parla au père en sa faveur. Mais Murdrac ne voulait rien entendre et supplia le prince de disposer de lui pour toute autre chose. Nos amants renoncèrent aux voies de la douceur et de la patience. Ils avaient tous deux la tête chaude. La guette entra un soir par escapade dans le jardin, et à la suite d'une grande conversation, ils arrêtèrent qu'ils se marieraient secrètement. Jacqueline y consentit, parce que c'était le seul parti certain pour vaincre l'obstination de son père. Mais elle déclara qu'elle ne sortirait point de la maison et que le mariage ne serait pas consommé tant que le vieux Murdrach n'aurait point pardonné. « Jusque-là, disait-elle, nous vivrons comme frères et sœurs, et je vous aimerai d'un amour chaste et pudique, car si je savais que ce mariage secret me dût entraîner à perdre le trésor de l'honneur, je mourrais plutôt que de passer outre. » La guette, riant de sa simplicité, lui laissa croire et promit tout ce qu'elle voulut, sachant bien que la nature, l'expérience et le temps changent assez les idées des jeunes filles. Il fut prudent et bien avisé. Aussi le ciel, voyant qu'il s'aidait si bien lui-même, eut pitié de lui et l'aida un peu, comme on le verra tout à l'heure.